pleure aussi. Mais les miennes, c'est où que les cris. Dès que moi, les avec où, moi là. Lui, envie de quitter à où, et ça. Il ressent rien que des coups, et tout ça. Il veut dire que m'y aime à où. Dès que moi, les avec où, moi là. Lui, envie de quitter à où. Dès que moi, il y a des coups.